En Corée, la 9e exposition nationale de réalisation scientifique des grandes écoles est ouverte le 11 courant au Palais des sciences et techniques à Pyongyang, en présence des officiels intéressés, des chercheurs et étudiants des grandes écoles exposantes. Y sont exposées plus de 2000 réalisations de valeur des chercheurs et étudiants de plus de 90 grandes écoles de la capitale et des provinces, notamment l'Université Kim Il-sung et l'École supérieure de médecine de Gwangae, pour l'indépendance de l'économie et son adaptation à la réalité du pays et l'amélioration de la vie de la population. Divisée en une vingtaine de branches, comme automation électronique, exploitation géologique et environnement global, l'exposition permet aussi les échanges des expériences techniques obtenues ces dernières années dans l'intégration de l'enseignement, des recherches scientifiques et de la production.